suis sur le corner, j'suis posé, j'fais des ronds. Pas près des collabos, j'suis près des lions. J'attends dans toutes les guerres, la vie de ma mère, c'est nous les bons. Bleu, violet, jaune, vert.